clair, obscur. Les musiques sombres sur Rage. Bonsoir à tous, mes petits corbeaux. Bon sang, c'est la dernière fois que je vous dis ça, c'est assez émouvant, je vous l'avoue. Bonsoir à tous, mes petits corbeaux, et bienvenue dans Clair Obscur, l'émission des musiques sombres sur RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Vous l'aurez compris, pour cette DER de Clair Obscur sur les ondes avignonnaises et nîmoises, eh bien, c'est une émission en public qu'on fait pour célébrer en beauté notre dernière émission, non seulement de l'année, mais notre dernière émission tout court de Clair Obscur. Et avec une playlist à l'avenant et 2 heures d'émission exceptionnellement pour vous accompagner pour cette soirée rock sur Rage. Rage qui a fait un plateau radio bientôt sur le Festival d'Avignon et qui évidemment a pris tous les casques, ce qui fait qu'on a des petits emmerdements en studio et cette émission va être assez olé olé, mais avec tous les jeux de mots foireux qu'on vous a fait dans l'année, vous avez l'habitude de l'humour olé olé, mes petits corbeaux. Et à l'instant, pour commencer avec un morceau qui personnifiait un peu, pour ainsi dire, la scène goth, c'était The Skeletal Family, un peu comme ceux qui nous entourent ce soir, avec le titre Promised Land. Allez, on gueule encore une fois, les amis. Merci. Allez, je suis sûr que derrière votre poste, vous aussi, vous êtes assez ému. Enfin, en tout cas, je l'espère, si vous nous écoutez depuis 4 ans. Vous êtes assez ému pour cette dernière émission. Ne vous suicidez pas trop vite aux roseaux électriques. Pour nous aussi, ainsi que Nathalie, qui est avec moi, comme tous les mercredis soirs, depuis 4 ans. Pour la dernière fois, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes petits corbeaux. Comme je disais, ne vous suicidez pas tout de suite aux roseaux électriques. Encore 2 heures d'émission, encore 2 heures de sanglant à vous mettre sous la canine. Bordel mécanique à propos, c'est pas grave, c'est Roots, c'est Rage. Allez, on va continuer, alors comme notre habitude, avec du très bon. On va continuer avec le morceau des Liaisons Dangereuses. Hein, même vu l'ambiance ce soir dans les studios, ce serait plutôt les Liaisons Vachement Dangereuses, avec le titre qui est un peu le dilemme de tout goth en soirée, être assis ou danser. Thank you. Vos parents vous ont prévenu sans doute de pas trop écouter Clair Obscur, et bien qu'ils se rassurent, ce soir c'est la dernière. À l'instant c'était des Allemands qui parlent le français mieux que moi, vous me direz ça n'a rien d'exceptionnel, mais ceux-là faisaient du très bon, ils chantaient tantôt en français, tantôt en espagnol, parfois même en allemand. C'était dans les années 80, c'était le groupe Liaison Dangereuse avec le titre Être assis ou danser, là encore une petite perle à dance floor qu'on écoute encore avec plaisir. Alors, vous êtes peut-être surpris d'apprendre que ce soir, c'est notre dernière. On avait prévu de vous la faire à la fin du mois. Eh ben non. Eh ben non, parce que nous-mêmes, on a appris il y a moins d'une semaine que la grille des programmes avait changé. On n'avait pas été tenu au courant et pour le coup, donc, on a appris un petit peu tard et non sans déplaisir que ce soir, ce serait donc notre dernière. C'est peut-être un mal pour un bien puisque finalement on nous a accordé 2 heures d'émission au lieu d'une, ce qui est toujours appréciable. Et donc, on a décidé de vous faire une playlist qui fait quasiment le double de ce qu'on vous passe d'habitude, avec des morceaux qu'on vous a déjà passés, d'autres qu'on ne vous a pas encore passés, et des invités d'exception. On aura l'occasion d'y revenir en cours d'émission. Et tiens, un invité que j'aimerais bien voir, mais bon, là, c'est un rêve, hein, on va dire, c'est le groupe de Robert, évidemment, et pour faire une cure de post-punk. Et on va écouter le morceau auquel peut-être certains ont pensé, certains guitaristes et artistes maudits ont pensé en voyant ce groupe sur scène, en se disant Robert, why can't I be you? casa de pedra. Álvaro, Álvaro, Álvaro, Álvaro. Escalando todas as encostas de animal. Pode tudo mais voltar. A vida é muito lenta, é pouco. Olha os passos como o vento. Desfrutando as planícies, é o mundinho. Não prepara sua defesa. Oh, mundo. Oh, mundo. Oh, mundo. Oh, mundo. Non, non, non, c'est pas ça que j'avais prévu de vous faire écouter à l'instant, mais simplement ce titre de Viaduc Moe, un groupe brésilien, très très bon groupe de post-punk des années 80, ce qu'ils avaient appelé là-bas, du côté de Sao Paulo, la Now Wave, avec le titre Red and Sound, et c'était enchaîné juste avant avec un autre classique du post-punk, celui-là britannique avec The Cure, et le titre Why Can't I Be You. Et Viaduc Moe, c'était un... Excusez-moi, j'ai couru, je suis un petit peu essoufflé, et puis c'est l'émotion en même temps. Et ouais, donc Viaduc Moe, c'était un groupe que je vous avais passé à l'occasion d'une émission spéciale Brésil qu'on vous avait fait il y a un petit peu plus d'un an. On a fait quelques bonnes émissions, pas tant que ça, quelques mais on émissions. En a fait quelques bonnes quand même, et de toutes les émissions qu'on a fait, je crois que cette émission spéciale Brésil était celle dont je suis le plus fier. On avait vraiment fait une bonne playlist et c'était un sujet original, donc pour les curieux, elle est toujours en ligne, si le cœur vous dit de chercher un peu et de la réécouter. Maintenant, on a le credo de Clair Obscur, vous le connaissez si vous écoutez l'émission depuis quelque temps, c'est de vous diffuser des styles les plus différents possibles, mais qui se rattachent à la scène goth, qui est, on vous l'a prouvé au fur et à mesure des émissions, très vaste et très riche. Et un style que dont j'ai un petit peu l'impression que Nathalie, tu l'as découvert au fur et à mesure des émissions, c'est le psychobilly. Mais tout à fait, tu me connais très bien. C'est vrai que c'est un style que je ne connaissais pas du tout. Et en plus, c'est fort à propos parce que je suis arrivée en retard, on a entendu grincer la porte et on a entendu marcher comme un zombie. Le morceau s'appelle Walk a Zombie et je pense que tu veux parler du psycho et autres dérivés avec toute cette cinématique et cette imagerie mortuaire à la fois très comique et très colorée qu'on peut retrouver entre autres chez Horror Pops, un groupe que j'ai découvert d'ailleurs lors de nos spéciales zombies et compagnie Halloween et qui tape dans le psycho et toutes ces branches-là. Et que j'adore, moi, personnellement. Maintenant, voilà, ça y est, je suis convertie à la folie zombie et à toutes ces conneries, parce que c'est vraiment déliros. Et voilà, c'est quelque chose que je remercie Clair Obscur de m'avoir fait découvrir. Comme quoi, tu vois, on peut animer une émission et découvrir plein de trucs. Et en plus, c'est un style musical dans lequel les filles ont la part belle, puisque Patricia Day, qui est l'épouse de Kim Necroman, donc avec lequel elle joue dans ce groupe, Horror Pops, joue de la contrebasse en chantant. Elle a des petites robes à pois, style années 50, tout ça. Enfin, vous, les nanas, vous aimez beaucoup ce genre de délire. Ah, mais elle est multi tâche la dame, et puis elle est pleine de talent. Oui, elle a une robe à pois et du coup tu me dis elle est multitâche. Elle est multitâche. Oui, bah, voilà. Allez, je propose d'écouter ce titre que tu aimes entre tous, Walk like a Zombie. not killing them. C'est obscur. Vive la France! Sur Rage. À l'instant, c'était un classique du rock sudiste des États-Unis avec les Nashville Posse et le morceau Come On, c'était il y a une petite dizaine d'années si ma mémoire est bonne. Et ça fait toujours plaisir d'écouter du bon vieux rock'n'roll bien crasseux, bien graisseux dans l'émission puisque ça plaît après tout à tous ceux qui aiment le rock'n'roll et donc à une grande partie des gothiques qui nous écoutent. C'était enchaîné juste avant avec un titre que nous ramenait Nathalie et le morceau, celui-là tout aussi américain mais un petit peu plus boogie-woogie, Horror Pops avec le titre Walk Like a Zombie. Tu veux rajouter quelque chose sur ce morceau en particulier et non, cette petite dame? On a juste entendu magnifiquement des verres tomber. On sait que nous avons des invités d'exception. Je vois pas de quoi tu parles. Hein, ce sont des gobelets pour le respect de la nature. Tout à fait écologique. Allez, vous les aurez reconnus. Les anciens animateurs de Tapage Nocturne sont avec nous dans les studios ce soir. S'auto-applaudit. Oui, voilà, c'est très modeste. S'auto-applaudit, ça c'est magnifique. Il y en a aussi de Indiebox, hein, parce qu'il y a Guillaume. Il y en a un ancien, non? Alias Pasteur Guy aussi. Alors que je fasse les présentations pour ceux qui écoutent pas forcément la radio depuis des années et des années. Moi-même, j'ai commencé avec Guillaume, que vous entendrez dans deux minutes, dans Indiebox. Et puis ensuite, j'ai fait Clair Obscur. Et en parallèle, il y avait l'émission Hard Rock Tapage Nocturne, qui a duré pendant une bonne dizaine d'années sur les ondes de Rage. Voilà. Et puis ensuite, ils se sont lancés dans un groupe et ils font du hard rock. Je vous ai passé du rock. On aime bien le hard. Je vous ai pas à Toulouse, mais... Je vous ai passé du rock sudiste à l'instant parce que c'est un sujet qui nous tenait à cœur, mais eux aussi s'illustrent dans le rock sudiste avec le groupe The Real McCoy, n'est-ce pas, messieurs? Oui, on a essayé de cacher notre identité le temps que nous étions à la radio pour éviter de la pub mal placée. Mais après, on est sorti, on a brisé le cocon et voilà. On s'est produit récemment au Palais Royal Aix-Rouge-Gorge sur Avignon. Combien de strings? Cette fois-ci, aucun. Zéro, mais deux, trois flics. Oui, on a eu la police. Ah, deux, trois flics. Bon. Troisième fois sur les quatre dernières fois où nous avons joué sur Avignon Intramuros. Donc on remerciera. C'est moi aussi. Ouais, c'est moi aussi. Oui, on remerciera les voisins zélés qui ont. Oui, voilà, qui s'est assuré le bien-être de ses concitoyens. Des voisins zélés, c'est des voisins qui volent? Oui, oui. Qui volent le plaisir aux gens. Oui, surtout, ouais. Et tiens, ben moi, justement, j'ai un document d'archives sur la façon dont vous vous êtes rencontrés, messieurs. Je tiens à le diffuser à nos auditeurs. Oh là, est-ce que c'est décent? C'est clair obscur, hein. C'est rencontré un peu par hasard. Je travaillais dans un garage, puis un jour Jean-Louis est venu faire réparer sa Golf GTI. Et sur la plage arrière de la Golf, j'ai vu un disque de Deep Purple, c'est ça. Donc alors là, tout a commencé. Ouais. Et puis il manquait un chanteur. Alors avec Jean-Pierre, on a passé une annonce dans le petit bleu de Pézenas. J'avais le choix entre le football et le rock. Ouais, c'est un chanteur. C'est, avant-hier, on a fait un concert à Sisteron, il s'est cassé la voix. Et j'ai préféré. Je préfère le hard rock parce que le foot c'est un peu violent quand même. Et voilà, évidemment, vous aurez reconnu le délire des inconnus qui, sur les ondes, enfin, à la télé, nous avaient fait ce délire assez savoureux. Qui ont copié sur le Real McCoy, moi je suis sûr. Oui, je suis sûr. Non, on en connaît des comme ça. Quand on écoute JR, c'est ça en fait. Oui. Alors JR, c'est le monsieur qui donc tient le micro en face de nous, qui nous parlait des voisins zélés, à côté de qui est donc batteur du groupe The Real McCoy. Oui, à côté ça, il y a Stéphane qui est chanteur. Qui essaye aussi. Ouais. Qui essaye tout au moins. Est-ce qu'il y arrive? Allez, vas-y. Oui. Pour ça, de toute façon. Fais-nous la dernière séance de Eddie Mitchell. Le lumière revient déjà. Un film est terminé. Tu fais trop mal. Je réveille Guillaume. Et donc, à côté de toi, il y a Guillaume, alors qui a une carrière musicale assez complexe et assez riche lui aussi. Après un groupe qui s'appelait Pasteur Guy, là, plus récemment, tu étais sur scène pour les 10 ans ou les 20 ans de Fiction Romance, c'est ça? Pour les 20 ans de Fiction Romance, et du coup, voilà, j'ai joué avec les Gilbert et ses problèmes. Vu que le bassiste ne pouvait pas venir, j'ai dépanné les Gilbert pour une date, du coup. Voilà. Et sinon, voilà, avec Worcester, petit groupe d'Avignon, on a joué à la fête de la musique, on joue dans le coin. Quoi. D'accord, donc tu es multitâche toi aussi. Et, multitâche. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que cet homme, pour l'état civil, s'appelle Guillaume Méry, mais pour la gente féminine avignonnaise, il s'appelle Pasteur Guy. Pourquoi? Parce qu'il tient à ramener les brebis égarées dans le droit chemin et qu'il utilise le DJing pour évangéliser les masses. C'est bien ça? J'ai bien compris? Tout à fait, exactement. Donc, voilà, si vous voulez venir vous faire pardonner de vos péchés, hein, vous pouvez venir vendredi 13. En plus, vendredi 13 au Pub Z, jusqu'à 6h du matin, rien que pour vous. Oui, donc veille de jour férié. T'auras pas la police? T'auras pas cette chance? Si, bref. Ouais. En même temps, c'est le 14 juillet, quoi. Si, on la demandera. Est-ce qu'on va la voir? Ah, va savoir. Allez, pour le moment, je propose alors un groupe qu'on entend parfois dans tes mix, Guillaume, et enfin Pasteur Guy, pardon, et qui te tient particulièrement à cœur. C'est un groupe des années 70, un groupe assez controversé, mais qui reste un sacré bon groupe de rock malgré leur maquillage absolument craignos. C'est le groupe Kiss. Oui, ça nous tient à cœur aussi avec Stéphane. Hein, il faut quand même. Le groupe phare de mon adolescence, qui s'est reformé depuis 10 ans, et voilà, ça fait toujours autant plaisir d'écouter des disques à 2h du matin, par exemple, Stéphane. Faire chier les voisins. Pour écouter les solos à fond et pour faire criser les voisins. Parle-nous de cet album, Rock'n'Roll Over. Rock'n'Roll Over, on va écouter d'ailleurs Making Love, le morceau qui termine l'album. Milieu des années 70, à l'apogée de la carrière du groupe. Voilà, c'est brut, c'est rock, et puis voilà, ça envoie du pâté. Le morceau qui conclut l'album, mais avec lequel vous allez peut-être commencer une nuit chaude et longue, chers amis, le titre de Kiss, Making Love, qui vous est apporté ce soir par Guillaume. Ace Frehley Forever. The girl says, wait, wait, wait, wait, wait, wait. I really wanna by my side. Le fan est désespéré. Il est désespérant, genre. Abandonne-toi au côté obscur du rock'n'roll. Fie-toi à la force. Écoute IndieBox. Et oui, on n'est pas dans IndieBox, mais c'était un jingle que j'avais fait à l'époque avec le son de Dark Vador, la musique de la guerre des étoiles, etc. Enfin, le thème de l'Empire, parce qu'il faut des fois vous savoir vous abandonner au côté obscur, pas forcément de la force, mais au moins de la musique, si ce n'est du rock and roll. C'est justement été l'objet pendant 4 ans de Claire Obscur avec un bonhomme qui avait la carrure d'un seigneur Sith et pour lequel Nathalie a beaucoup d'admiration, c'était Peter Steele. Peter Steele, et au passage, je vais me faire plaisir, je vais dédicacer ton magnifique jingle IndieBox Star Wars à tous les potes qui sont joueurs sur le MMO en question, parce que ils vont se reconnaître, et je sais qu'il y en a qui doivent passer ce soir en plus. MMO, et RPG, donc les jeux de rôle en ligne. Tout à fait, Star Wars The Old Republic, je fais pas de pub, on n'a rien entendu. Mais George Lucas a besoin d'argent de toute façon. Non, il a besoin de sous lui. Mais juste un qui n'a plus besoin de sous, malheureusement, par contre, c'est Peter Steele qu'on a pu entendre. Oui, malheureusement, il a disparu, chanteur, compositeur charismatique de Typo. Et qui correspond parfaitement à l'ambiance et aux besoins de l'émission. On en a passé aussi quelques fois dans ta page, toujours avec grand plaisir. Avec qui? Tu sors. Tête de nœud dans ton genre, par exemple. Et ouais, voilà, faut aimer les ambiances doom, mais un peu second degré, les morceaux rallonges, les passages ambiance, enfin voilà, Typo, tout un ensemble de choses. Et ceux qui connaissent pas, il faut vraiment s'y mettre. Il faut aimer les mecs de 2 mètres qui font ma taille quand moi, je suis debout et eux assis. Mais sur CD, de toute façon, ça... Enfin, si ça sent un peu qu'il fait 2 mètres, parce que la voix, il va la chercher vraiment sous les pieds. Ah, mais tu le vois arriver, tu comprends, hein, tu comprends qu'il y a même pas une chaise qui va pour lui, quoi. Ouais. Allez, je vais être obligé de vous interrompre, sinon vous allez vous lancer dans une discussion de café à propos de ce grand monsieur au sens propre comme au sens figuré. Et donc c'était pour l'anecdote, hein, Nathalie aime bien la raconter, l'a juste évoqué. C'est quand Nathalie est allée au Hellfest et elle est allée faire une dédicace de son album de Peter. Elle est allée chercher une dédicace de Peter Steele et le mec était assis, Nathalie était debout, ils avaient la même taille. C'est bien ça? C'est ça. Bon, je suis pas bien grand non plus et lui était très très grand. Voilà, donc un grand monsieur, je vous le disais, au sens propre comme au sens figuré. C'était avec le titre My Girlfriend's Girlfriend. C'était sur quel album déjà? October Rust. Bon, moi je m'en vais, hein, je vous laisse. Putain, j'ai le World Coming Down dans la voiture là, il m'en faut ma petite dose, donc voilà. Et donc pour vous parler de la discographie de Type O Négative, vous n'aurez rien trouvé de mieux que Rage 90.3 102.5 du côté de Nîmes. Vous êtes avec nous pendant une heure et demie encore de musique sombre, puisque ce soir c'est la dernière de Claire Obscure. Ce morceau de Type O Négative et la voix magnifique reconnaissable entre toutes de Peter Steele était enchaîné juste avant avec une autre voix reconnaissable entre toutes, j'ai plus son nom, Gene Simmons, c'est le bassiste, et le chanteur c'est qui déjà? Ace Frehley, c'est Paul ça Stanley. Ok, et Ace Frehley, c'était le guitariste. Exactement. Autant pour moi, et c'était donc le groupe Kiss avec 1976, Rock'n'Roll Over et le titre Keep Making Love. On espère que ce que vous allez faire après l'émission, mes petits corbeaux. C'est largement moins chiant que Wikipédia quand même. Hein. Quoi? Au niveau savoir encyclopédique, c'est largement moins chiant que Wikipédia, c'est plus vivant quand même. Ah oui, Viens, il te parle de faire l'amour, tu lui parles de Wikipédia. Non, mais parce que vous parliez de faire des tests sur des albums et découvrir la musique, c'est quand même beaucoup plus agréable comme ça en live à travers la radio que. Voilà. Qu'en faisant l'amour à son clavier tout seul, par exemple. Ça colle après. Ah, comme ça. Allez, tiens, bah justement, en ce moment, on est à Avignon, on est en été, et donc il y a le Festival d'Avignon, et comme d'habitude, la culture, c'est comme la confiture, ça s'étale, et la culture s'étale parmi le programme du festival, parmi les rues d'Avignon, mais pour le pire ou pour le meilleur, c'est selon. Et moi, j'avais envie de vous parler, puisqu'on est dans une émission gothique, on parle de temps en temps de zombies, hein, Nathalie en parlait tout à l'heure avec Horror Pops, et le titre Walk Like a Zombie. Moi, j'ai envie de vous parler de vampires. Les vampires qui seront à l'honneur. Twilight, non. Avec un spectacle qui aura lieu au Festival of d'Avignon. Kamel Wally. Oh, ah, la blague. Je devrais parier, il y a des gens qui doivent aimer ça en fait. Bon, on avait trois auditeurs, on n'en a plus qu'un. On les a perdus. Allez, Kamel Wally, donc, qui a, excusez-moi le jeu de mots, mais qui a des théories assez fumeuses sur la danse et qui donc a fait ce spectacle sur le thème de Dracula. Je fais que vous le signaler pour vous dire, faites attention, n'y allez pas. Tu préjuges, que... c'est pas bien. Oui, je sais, mais j'assume complètement quoi. Si vous avez 3 sous, il y a sûrement des spectacles beaucoup plus intéressants. Et bien, puisque il m'a fait penser ce couillon au thème de Dracula, moi j'ai envie de vous parler d'un jeu de rôle. Ben Nathalie, tu nous parlais de jeu de rôle en ligne tout à l'heure, d'un jeu de rôle qui avait fait du succès il y a une petite dizaine d'années. Tu parles de Vampire la Mascarade. Ouais, The Vampire the Masquerade. Ah, c'est avec ça. Vampire et QIM aussi, il y a eu toute une série qui était bien tripante pour les joueurs, ouais. C'est tiré de bouquin aussi, non? Ouais, c'est tiré d'un bouquin, il y a pas mal d'histoires, c'est fouillé, s'il y a un beau background, ça vaut le coup. Alors apparemment ça a été adapté en jeu, j'ai pas suivi. Est-ce que le clavier colle là aussi? Voilà, c'est ça, mais on est équipé. Hein, est-ce que ça fait. MPEG? Non, mais on a la souris après. Oh putain, MMORPG, MPEG. Vous avez eu un petit détail de l'humour de JR qui faisait les l'humour beaux jours. L'humour de Jic, comme on dit, on m'a dit un jour. À la placer depuis un petit moment. Non, bah ça sort comme ça quoi. Sur le clavier, bravo. Vampires the Masquerade. Vampires the Masquerade était aussi un jeu de rôle qui avait une bande originale assez fameuse avec des très très bons groupes et de très très bons accompagnements musicaux. Je vous propose d'en découvrir un ce soir avec le titre Bloodsucker 2000. Empire of the vampire, where things turn to fright. You are meant to trend to fear. obscur sur Rage. Dance and hold me. It holds me. l'instant Aid of the Nightmare Jungle avec le morceau Shadow Dance, un morceau qui m'avait particulièrement marqué, que j'avais découvert complètement par hasard, merci Internet, merci MySpace et autres cochonneries informatiques comme diraient certains, et ça m'avait beaucoup beaucoup plu, donc on vous l'avait passé, je crois qu'on l'a même passé deux fois s'il me semble. Non, on ne recycle pas nos morceaux préférés ce soir. On a c'est aussi de quelle époque à peu près? Fin 90, mais tu le retrouves, il me semble bien. Mais alors, erre à toi, hein, je t'avoue que ma base de données est totalement déficiente. Oh, ça a dû un peu inspirer Rammstein aussi, dans le genre, on n'est pas loin. Quoi. C'est assez dansant, oh, tout simplement. Oui. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de l'avoir oui, non, enfin, en inspiration, quoi. Voire en expiration. Ça rock, c'est du poney à roulette, comme un jour j'ai dit que je le replacerai ce soir. Alors, un groupe, donc un classique, on va dire, du rock gothique des années 90, en tout cas, ça sonne comme tel à mes oreilles, à moi, chers amis, ce n'est peut-être le cas pour vous, qu'à Jamiel, à vous, de l'autre côté du poste. Et on va aller vers un autre style musical, on va évoluer un peu, vers un style musical qu'apprécie beaucoup Nathalie, elle nous avait même fait une playlist spéciale il y a un petit peu plus d'un an, c'est la musique 8 bits, c'est-à-dire, vous savez, cette musique, pas octosex, hein, c'est pas la question, mais simplement la musique 8 bits, c'est la musique faite avec des... La musique de Guy, quoi, faite avec des Game Boy, faite avec des circuits électroniques modifiés, soudés, etc. Ah, des Master System et des NES et tout ça. Exactement, quoi, les consoles avec lesquelles on jouait quand on était petit. Et donc, tous ces sons électroniques bidouillés et détournés font le bonheur des geeks et des musiciens parmi eux qui en font des morceaux. C'est notamment le cas de Weezer, c'est ça ? Weezer qui avait fait tout un album en version 8 bits, oui. Il y a pas mal de morceaux qui sont repris. Il y a même des logiciels. Vous pouvez vous amuser à massacrer vous-même votre propre morceau en 8 bits si vous avez envie que ça fasse un son absolument Game Boy. C'est assez magnifique. Et Muse s'y est accordé avec le grand popcorn, le morceau en question. Est-ce qu'on a du monde qui veut venir parler? Tiens, allez, profitez les enfants, c'est en direct, c'est gratuit, c'est les soldes. Au lieu de ce soir, c'est clair obscur. Au lieu de ricaner dehors là. Mon passeur, il a son téléphone qui sonne. Il a des fans. C'est ambiance délétère là, ça va pas, il va falloir recadrer ça, Stéphane. Mais est-ce qu'il sonne en 8 bits le téléphone? Oh, pas loin, pas loin. En une tête de nœud, c'est sûr par contre. Ça fait quoi comme son ça? Vas-y Stéphane, dis-nous. Ah bah, c'est le son parfait. Bonsoir. De voilà. Stéphane, où est ta rigueur allemande là de... Y'a pas. Non. Okay. Ma rigueur allemande, présentement, quand tu es dans les parages, se trouve dans mon slip et crois bien qu'elle est. Et ça, c'est la classe. Voilà. Presque autant que dire. La raideur, un doigt. La raideur allemande, voilà, pour le coup. Je serais capable de faire devant Angela Merkel. Et donc. Oui, bien sûr. On parlait de cinéma. Oh, si je vous dérange, vous me le dites. On parlait de cinéma tout à l'heure, justement. C'est l'objet du morceau que nous ramène Nathalie avec donc une reprise de Muse, une reprise de Weezer, si j'ai bien suivi. Avec le morceau Popcorn, qui est le premier morceau synthétiseur qui est sorti, version synthétique. Je vous laisse découvrir ce truc, parce que ceux qui connaissent pas vont trouver ça space, ceux qui connaissent vont prendre 30 ans dans la gueule. We'll be right back. Voilà les musiques que les touristes devraient écouter, ça leur donnant envie de faire sauter du maïs au lieu de faire sauter autre chose. À l'instant, c'est la rigueur allemande. C'était le morceau Popcorn, une reprise de Weezer faite par le groupe Muse, qu'on s'attendrait pas forcément à faire ça. Mais par contre, on va parler un petit peu d'un groupe que tu as ramené régulièrement, un groupe de Suisse, mais qui sont pas calmes comme les eaux du lac Léman, c'est rien de le dire. Ils sont de Genève, c'est le groupe Back 13. Back 13, le groupe souvent censuré en soirée, le groupe qui part souvent dans des revendications assez solides et assez costauds. Que j'aime beaucoup, ce soir il s'attaque aux côtés USA et compagnie. Je vous laisse écouter les paroles, franchement, si après ça vous mangez encore des hamburgers et compagnie, très sincèrement, je vous reconnais plus, je traverse la route. Bon, on continue avec Back 13. Back 13, en fait, c'est un groupe. Ce soir, on a des invités. On a un jeune homme de Lyon dont on avait passé quelques morceaux déjà. Il est avec nous. Il est un petit peu schizophrène parce qu'il a deux projets musicaux, un projet acoustique et un projet électro, mais c'est pas grave, on l'aime bien quand même. Il s'agit d'Antoine. Bonsoir, cher ami. Salut, Stéphane. Alors donc, je t'avais rencontré lors d'une interview, c'était en octobre 2010, pour un concert que tu avais donné à Lyon. Un concert de Opération Off the Sun, et tu as aussi le projet musical Tat. Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, bien sûr, mais parle-nous un petit peu de ta rencontre avec les Suisses de Back 13, s'il te plaît. Alors, Back 13, bon, bah, d'abord, c'est des bons copains. Back 13, c'est un groupe dans lequel on trouve Damien, alias le Baron, qui est le patron de l'usine. Et également... Sacré tronche, d'ailleurs. Oui, c'est un vrai pirate, voilà. Qui est également le patron, effectivement, du petit label qui produit mes disques, qui s'appelle Urgence Disques. Voilà, avec lui il y a un certain Damian au chant et puis Tenebras à la guitare. C'est un groupe qui a une souche EBM et puis qui va aujourd'hui un peu plus vers l'électro et la pop, mais tout ça très bien fait et puis effectivement avec un discours bien engagé, comme le disait Nathalie. Et un groupe, alors que toi, Nathalie, tu nous as ramené régulièrement, tu nous avais ramené des reprises qu'ils avaient fait de Yazoo. Yazoo pour le 1er avril, oui, qui était assez énorme quand on s'attend à un côté purement américain ou à casser la mode et autres. Et puis là, ils nous faisaient du disco. C'était assez énorme, moi je me suis régalée. Mais tout leur album est assez délirose. Et justement, il y a un petit côté schizo qui est fun sur ce groupe, c'est qu'ils sont capables de pas se prendre au sérieux et à la fois de parler de choses super lourdes. Comme l'élection de Barack Obama et son fameux slogan « Yes, we can ». Et ce soir, on continue avec du Back 13. Yes, we can't. We'll be right back. jusqu'au royaume d'Hadès. Vos corps resteront inertes. Clair obscur. Des musiques dark sur Rage. J'ai vu tant de choses que vous ne pourriez pas croire. Boy, c'est une bandage, j'adore ce morceau de Punish Yourself, ce groupe de Toulouse complètement allumé. S'est enchaîné juste avant avec un morceau des Suisses beaucoup plus calme a priori, mais qui ont autant d'énergie, des Suisses de Back 13 avec le morceau Yes We Can't. Et donc on continue dans cet électro débridé avec Punish Yourself qu'on avait vu il y a 2-3 ans sur scène. C'était à l'Aquaba près d'Avignon, c'était un concert absolument mémorable. Il y avait des disqueuses sur scène, des étincelles, il y avait des maquillages en veux-tu en voilà, fluorescents. Et une interview super sympa. Et il y avait aussi VX avec une interview super sympa. VX d'ailleurs qui fait des collaborations à côté, et il joue notamment avec Antoine qu'on a entendu tout à l'heure dans Cheerleader 69, c'est bien ça ? Alors en fait, Cheerleader, c'est un projet, au départ, un projet solo de Vincent. Et puis c'est vrai qu'il invite un petit peu des musiciens avec lui de temps en temps. Là, ça fait un certain temps qu'on n'a pas fait de date ensemble. Mais dès qu'on a l'occasion, c'est vrai que c'est un plaisir. La dernière fois, c'était au musée Giger en Suisse. À Gruyère, ouais, dans un château. C'est vraiment sympa. Donc c'est toujours un plaisir de jouer avec Vincent, qui est un personnage... tout aussi incroyable que cultivé, que talentueux. Pour ma part, c'est lui qui m'a fait connaître ton travail, en fait. Quand il m'a parlé de Tate et compagnie et tout ce que tu faisais à côté, c'est lui qui en a parlé et qui m'a fait m'intéresser à ce que tu faisais. Parce que je t'avais vu sur des affiches ou autres, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de tout écouter. Et moi, quand je t'en parle, t'écoutes pas, en fait, voilà. Non, mais toi, je t'écoute plus, toi, au bout de 4 ans. Garce. Tu savais. Et revenons-en alors, tout à l'heure je vous disais que ce garçon Antoine était un petit peu schizophrène, malgré son allure polie, gentille, beau garçon, etc. Puisqu'il est capable de faire des projets, oui en plus il m'agace, tout ce qu'il fait ça marche, ça m'agace alors. Et donc je disais, il est un poil schizophrène, mais je dis ça c'est pour me foutre de sa gueule, évidemment, puisque c'est deux projets très intéressants. Un projet électro qui s'appelle Operation of the Sun et un projet acoustique qui s'appelle Tate. Par lequel des deux as-tu commencé, s'il te plaît? En fait, au départ, c'est mon projet Tate, qui est un projet de dark folk un peu progressive, néoclassique. Voilà, ça c'est le projet un petit peu sérieux. Et puis, à trop faire de musique sérieuse, on se fatigue un petit peu les neurones et on a besoin de choses plus récréatives. Donc après, je me suis lancé dans Operation of the Sun, qui est un projet. Tu es vraiment schizophrène, en fait. C'est un assumé. Un petit peu aux antipodes, voilà. C'est le truc où tu te lâches. Complètement, tout à fait. Ouais. C'est vrai que quand on écoute Tate, quand on écoute Opération, on se dit, mais c'est pas le même. Ben écoute, ma foi, si. Et puis, je fais encore d'autres choses tout aussi différentes dans d'autres contextes, mais voilà. Alors, des trucs qui changent aussi d'un projet à l'autre, c'est que Tate, c'est un projet que tu mènes en grande partie seul. Tu as quelques collaborations avec Bertrand, ton bassiste, je crois, avec des chanteuses aussi parfois. Mais Operation of the Sun, tu multiplies et comment les collaborations avec des tiers. Alors, je pense notamment à Desireless, avec lequel tu as travaillé beaucoup plus récemment, enfin tout récemment. Oui, au départ, Opération, ma première collaboration vraiment super enrichissante, c'est surtout Greta Gratos, qui m'a permis un petit peu de faire vraiment plaisir sur scène, voilà. Effectivement, plus récemment, j'ai rencontré Claudie, donc Desireless, qui a fait bien sûr Le Voyage et John, que tout le monde connaît, mais qui est aussi un personnage super intéressant, très fine, très intelligente, et voilà, c'est un super plaisir de travailler avec elle. On a d'ailleurs sorti récemment un EP qui s'appelle L'œuf du dragon, sur lequel Vincent, justement, de Punisher Self a collaboré également, voilà. Donc le monde est petit. Et... ouais, ouais. Et eh bien c'est pour notre plus grand bonheur, puisque on va écouter maintenant un de tes morceaux. Alors tu l'avais ramené déjà, celui-là, Nathalie? Oui, moi je l'avais beaucoup aimé, celui-là. Je m'éclate bien quand je m'amuse le soir à écouter de la musique. Alors n'y vois pas de cochonneries et autres, parce que je te connais au bout de 4 ans, hein. Mais je trouve que celui-là, il a un côté pure énergie. Quand t'as besoin de te défouler après une journée de boulot, il est super, c'est électropop. Il a été inspiré par Betty Boop, non? Wow. Électropoupoupidoup, non? Ouais, en fait, c'est électropoutz. Et voilà. Tu vois, parce que j'ai longtemps été accusé de faire de l'électropute. Et donc voilà, effectivement. C'est un petit côté pute. C'est un petit côté putassier. C'est très Jean-Claude Delarue. Voilà. Donc au départ c'est quand même un thème de Maurice Ravel qui s'appelle Jeu d'eau. C'est un arrangement de musique romantique, enfin de musique moderne française. Voilà. Parce que ce garçon ne le dit pas, mais il est professeur en conservatoire, il a une culture classique. C'est un mythe, ce n'est pas du tout ça. Ah, tu es chef d'orchestre alors? Non, pas du tout. Schizophrène, névrotique ou... Et en plus, il m'a raconté des bobards lors de l'interview. Je suis poissonnier à Avignon, voilà. Voilà, donc une carrière, comme quoi la poissonnerie mène à tout. Et on va s'en faire une idée avec ce morceau d'Antoine, Operation of the Sun, son projet électro, dont vous nous direz des nouvelles si vous ne l'avez pas encore entendu dans Clair Obscur, Electro Poutz. Thank you. à savoir, mon ami. As-tu jamais dansé avec le diable au clair de lune? Clair obscur. à l'instant un projet musical que j'aime bien, je vous en ai ramené souvent, Dernière Volonté avec le titre Le Plus Secret, un extrait de son dernier album, et c'était enchaîné juste avant avec Opération of the Sun, le projet électro d'Antoine et ses nombreux collaborateurs, notamment Desireless, il est tout à fait récemment, et c'était le morceau Electro Puts. Alors maintenant on va aller vers un sujet musical, un genre musical un petit peu plus scabreux, difficile à aborder mais je dois le faire. Il s'agit du rock nationaliste, un style musical qui est donc mené par des gens qui se classent nettement à l'extrême droite. Et donc vous comprenez bien que dans un style musical pareil, j'ai jamais eu de scrupule à ne jamais vous en ramener. Déjà pour une raison tout à fait simple de légalité, qui est que je peux pas vous passer des morceaux qui appellent à la ratonnade, etc. à supposer que j'en ai envie. Et c'est absolument pas le propos ici, pas de ça chez moi. Tous les groupes qui professent ce genre d'idées ne sont pas les bienvenus, vous l'aurez compris, mais en plus, c'est souvent musicalement très très médiocre. Ça ressemble à du punk, très crade, très crust, très brouillon, c'est vraiment pourri. Et on a eu des précédents en France, vous vous souvenez peut-être de Légion 88, ce groupe qui avait été interdit et qui était assez médiocre d'ailleurs. Et donc c'est une scène qui suscite ma curiosité, mais qui m'intéresse pas des masses pour toutes ces raisons, parce que c'est des idées qui ne me plaisent pas, et en plus c'est un son artistiquement c'est très très limité. Mais il y a un groupe qui fait exception, un seul, qui m'amène à vous en diffuser ce soir, c'est le groupe allemand Sturmwehr. Alors c'est un groupe dont les membres eux-mêmes se définissent comme d'extrême droite, mais ils ont la subtilité ou l'intelligence de ne pas en faire état dans leurs chansons. Et c'est des chansons qui touchent à un public beaucoup plus large que le public assez étriqué et traditionnel de ce genre de musique-là, donc le rock nationaliste tel qu'on l'entend en France, ou encore le RAC, rock anti-communiste tel qu'il est un petit peu partout en Europe. Et donc Sturmwehr a pas mal de chansons. Alors certaines sont assez martiales dans le thème, par exemple Deutsche Soldaten, soldat allemand, parle, là on est clairement dans le rock anti-communiste puisque ça parle de la guerre contre l'Union soviétique dans les années 40. Mais sans forcément dire des méchancetés pendant les paroles, j'ai traduit les paroles, c'est pas plus méchant qu'un chant boy scout, mais le thème est lui clairement anti-communiste. Et ils ont des chansons, ce groupe allemand Sturmwehr, ont des chansons qui touchent un beaucoup plus large, parce qu'ils parlent de thèmes qui nous touchent tous, finalement l'amitié, l'amour, la vie tout simplement. Et ils ont des chansons comme Freundschaft par exemple, qui signifie amitié, et qui touche à des publics beaucoup plus larges que ceux qu'on imagine, hein, donc les crânes rasés, les bonnes heads, hein, dans ce genre de concert, ce genre d'abrutis qui peuplent la faune un peu de locale de ce genre de scène-là. Et moi, ce soir, j'ai envie de vous passer un morceau donc qui parle, là encore, qui est assez martial, dans le sens qu'il aborde la guerre sous-marine des années 40. Alors, j'ai traduit les paroles de ce morceau, il n'y a rien de condamnable, hein, c'est simplement l'histoire des sous-mariniers qui flippent en entendant les torpilles et ce genre de choses. Hein. C'est, le thème est martial, mais les paroles n'ont rien de répréhensible. Le morceau s'appelle « Wolfe der Meer », c'est-à-dire les meutes de loups, hein, les loups des mers. C'est ainsi que l'amiral Dönitz appelait ses sous-marins, les meutes de loups qu'il lançait dans l'Atlantique pour gagner cette guerre que finalement l'Allemagne a perdue. C'est pas plus mal comme ça, mais ça donne des chansons assez sympas, du rock que j'avais envie de vous passer dans Clair Obscur avec le morceau de Sturmwehr, Wolfe der Meer. son du sonar continue sur les ondes ce soir. Vous êtes bien dans Clair Obscur. C'était le morceau de Sturmwehr, Wölfe der Meer, les loups des mers. Donc c'était les sous-marins pendant la Deuxième Guerre mondiale que lançait l'Allemagne dans tous les océans et qu'elle a fini par perdre de toute façon. Allez, on continue pendant encore une bonne demi-heure. Stéphane, ça suffit là. Vas-y, il est beau, il a les lunettes de soleil, la chaise qui grince, la classe innée. Alors Stéphane, j'ai une petite dédicace à te faire, tiens. Ouh là là. Oh, t'es vraiment trop chou. Voilà. Je crois que Swazik a quelque chose à dire, non? Ah, Swazik, est-ce que tu veux dire quelque chose? Non, parce que vous, si vous voulez, chers amis, j'ai mon petit neveu avec moi dans la cabine. Et puis tout à l'heure, il tourne autour du micro, mais il n'ose pas dire des trucs dedans. C'était nos amis de l'émission de poésie de Nîmes, là, Les Petits Contes entre Amis, qui avaient fait réciter des poèmes à des gamins à l'antenne à une époque. C'était mignon comme tout. Bon, bah, ce soir, Swazik ne veut pas, mais c'est pas grave, vous êtes il avec nous derrière le poste. Il veut même pas nous dire bonjour. Allez, on continue. Alors, mais Fanou, écoute-moi, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est bon, il y a beaucoup de musique, tout ça, il y a une rigueur allemande inhérente à Stéphane Le Dalour, mais je voulais savoir votre ressenti à toi et à Nathalie de cette dernière. J'ai évité cette question toute la soirée. Ah, voilà, ouais, pardon, un peu, là. Allez, mettez votre cœur sur la table, bordel. Le cœur ou le reste? Tout, les tripes, les couilles, les ovaires, tout. Allez, Nathalie, à toi l'honneur. À moi l'honneur? Tu veux que je fasse mon petit laïus, que je dise ce que je pense du fond du ventre? Moi, j'ai envie de dire merci à beaucoup de choses. Alors, merci et pas merci à certains. Alors, certains, mais tant pis, je vais pas les énumérer. Ils se reconnaîtront ou ils se reconnaîtront pas, je m'en fous. Le merci, il va par contre à tous les gens que j'ai rencontrés, moi, pendant ces 4 ans. Hein, ça va faire la séquence émotion, parce que ce soit, voilà, les métalleux de tapage à l'époque avec qui j'avais commencé, ça s'appelait les 10 recandements. Stéphane Le Dalour, avec tout ce que j'ai eu comme expérience en 4 ans musical, je précise, je veux pas d'emmerde, j'ai mon chéri en bas. La crème de la crème. Voilà, tous les gens qu'on a rencontrés, que ce soit Antoine, que ce soit Jen pour le côté graphique, pour tout le délire, que ce soit Lydia qui est dehors en train de discuter comme une pie, enfin, voilà, tous ces gens-là, que ce soit ma caisse qui m'a pas lâché pendant les 4 ans de trajet, que ce soit les flics qui m'ont arrêté à peu près une émission sur 4 pour me demander ce que je faisais, où j'allais et qui j'étais, parce que je devais avoir l'air louche avec mes 2 PC dans la bagnole et tout le bordel musical que j'avais. Oui, parce que malheureusement il faut amener son matériel, voilà. Alors pas merci pour ça, parce qu'au niveau matériel, des fois on a eu des surprises. Comme merci aussi à tous les gens qui ont eu la bonne idée de nous suivre, merci aux auditeurs anonymes qui se sont jamais fait connaître, mais qui ont continué à nous suivre, à tous ceux qui nous ont envoyé des morceaux, qui nous ont envoyé des mails d'insultes aussi, c'est arrivé quelques fois, ça a été rare, à tous ceux qui nous ont dit continuer, ou à tous ceux aussi, surtout, et ça j'en suis le plus fier, qui ont écouté du goth, alors qu'ils n'avaient pas du tout le profil, et qui m'ont dit, mais finalement le goth, il mange pas des bébés, c'est pas des monstres, non, ce sont des gens. Et quand c'est bien fait, il n'y a pas de raison de ne pas en goûter. Et rien que pour ça, voilà, j'ai envie de vous dire merci. Alors je sais que ça me fout le voilà, ça y est, je me suis dit je vais aller pas chialer, je vais finir par y arriver. Hein. Ils veulent que je chiale ces enfants. Pour les spectateurs qui sont déjà très émus. Voilà, il n'y a pas de webcam, mais c'est pas grave. Le maquillage va couler, ça va faire gothique. Mais merci franchement, et j'espère qu'on se recroisera, même en simple quidam, voilà, le truc sera toujours là. Mais l'émission n'est pas encore terminée, et moi j'ai envie d'aborder un sujet musical qui me tient à cœur, que j'aime beaucoup, je vous en ai passé régulièrement pas là aussi. C'est le morceau, c'est le folk metal. Alors moi j'aime beaucoup l'accordéon, la guitare sèche d'une part, j'aime beaucoup le metal d'autre part, et quand les deux se retrouvent, eh bien je suis très heureux, et surtout quand c'est chanté en russe, parce que tout à l'heure je vous ai parlé, c'est un morceau d'un groupe brésilien, là je vous passe un morceau chanté en russe, et pour moi le russe et le portugais ce sont absolument les plus belles langues du monde. Donc là je vous passe un morceau d'Arkona, ce groupe de folk metal de Moscou, avec le titre Yarilo. We'll be right back.

Can't you see he's the man? Let me hear you applaud. He is more than a man. He's a shiny golden god. If you think it's time to fucking rock and fucking roll out of control, well then you know you've got to rock the block. You fucking sock my fucking cock. Cause when you rule, you fucking school all of the fools out of their jewels. Cause if you think it's time to, if you think it's time to, if you think it's time to fucking rock, he is going to kick your fucking ass. And you know his name is Kyle Gass. Rocking and fucking rolling and fucking rocking and fucking rolling and fucking À l'instant, vous avez pu écouter la version Tina Chouzi avec Classico, un morceau que je dédie à tous les gens qui nous ont fait chier pendant les 4 dernières années. C'est un petit cadeau, vous écouterez les paroles, vous comprendrez. Et juste avant, un groupe qui me tenait énormément à cœur. Pour ceux qui ont suivi l'émission, ils vous en ont bouffé à peu près les 3/4 de la discographie. Corvus Corax, Le Grand Corbeau avec le morceau Balade de Merci. Et pour la petite histoire, dans Clair Obscur, c'est quand même ultra historique parce que c'est un des premiers groupes qu'on a passé avec Stéphane le jour où il m'a invité dans Indie Box parce qu'il avait envie de parler de fêtes médiévales. Je me suis j'ai ramené mon bazar et c'était parti pour 4 ans à lui pourrir la vie à ce pauvre garçon. C'est quand ce souvenir. Allez, on va continuer. On était dans la musique médiévale avec un groupe que tu nous as ramené à peu près 10 milliards de fois, Corax, qui signifie Le Grand Corbeau. Ça tombe bien, vous êtes avec nous pendant encore quelques minutes, mes petits corbeaux, sur Rage 90.3 ou 102.5, canal 8D de la RNT si vous écoutez en numérique à Marseille. Et de toute manière, vous êtes sur Rage dans Clair Obscur, vous étiez encore très bien. Alors là, c'était de la musique médiévale faite par des Allemands pour honorer les périodes des 12e, 13e siècle, etc. Et là, on va parler d'un homme qui lui aussi compose en langue médiévale. Il s'agit d'un japonais, Kenji Kawai, mais il a composé, la curiosité, c'est qu'il a composé en japonais médiéval pour la bande originale d'un film qui se passe dans le futur. C'était Ghost in the Shell. Vous vous souvenez, les gars ? Ghost in the Shell, alors ? Brièvement. Brièvement, tu sors, tu t'en vas tout de suite. Je suis désolé, mais je me suis endormi. C'est pas... pas exprès. Un de mes animés préférés, là je les renie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas du cyber. C'est mauvais, c'est juste moi je tolère pas bien le sommeil et là voilà. Salopard. Alors c'est un film de Mamoru Oshii, donc un animé, c'est-à-dire à l'adaptation d'un manga, d'un manga sur grand écran. Et c'était un film très très novateur en 95 parce qu'il avait des effets spéciaux aussi, absolument splendides. C'est bien ce que je dis, un manga. T'as dit un manga sur grand écran. C'est une adaptation sur d'un manga sur grand écran. Y a pas de souci, t'inquiète. On va se battre. Oh, tu vas aller. Pour la dernière, un peu de sang. Je te baisse ton micro, tu me saoules. Allez hop. Donc l'adaptation d'un manga de Shiro Masamune sur grand écran par Mamoru Oshii, et donc c'est Kenji Kawai qui avait fait la musique. Manifestement, elle t'a beaucoup touché parce qu'il a fallu que je te freine pour que tu n'en passes pas toutes les émissions. Tout l'album, j'aurais passé l'album de la série, j'aurais passé l'album du 2, voilà, je vous en aurais fait bouffer des heures et des heures. Stéphane m'a freiné. Est-ce que c'était un bien, est-ce que c'était un mal? Mais en même temps, je me mets à ta place. Mes petits corbeaux, chers amis, il faut se mettre un peu à la place de Nathalie. Si elle est fascinée par tout ce qui vient du Japon, c'est parce que quand elle était petite, elle a été amenée à écouter ça à la télé. Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je m'appelle Nathalie, sauvez-moi. Toi, tu t'appelles Nathalie, avec des yeux bridés et ta face de citron? T'es quoi, idiot? C'est Jamitan, mais elle s'appelle Nathalie, c'est pour l'exportation en France. Ah d'accord, alors que se passe-t-il? Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Un méchant? Où est-il? Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Qu'est-ce que laser de Dorothée? Tiens, prends ça dans ta gueule. Alors évidemment, vous aurez reconnu un délire des inconnus, justement, oui, à la télé il y a quelques années. Et comme ça parlait de Nathalie qui était poursuivie par des méchants, ça m'a bien fait rire, j'en ai fait un jingle. C'est toi l'enfoiré. Allez, parle-nous un peu de Kenji Kawai que tu nous ramènes ce soir avec ce morceau Making of Cyborg. J'avais plus envie de parler de l'animé Ghost in the Shell qui a un côté particulièrement tordu, ne serait-ce que dans la série, avec pas mal de questions métaphysiques, notamment toute la philosophie de Salinger. Alors si ça ne vous passionne pas, tant pis pour vous, vous perdez une grande partie intellectuelle. Mais il a vraiment un côté particulièrement tordu. Alors je vous invite à moi découvrir Making a Cyborg. Si vous aimez la cybernétique, c'est ce soir. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Clair, obscur. Sur Rage. Alors moi, j'écoute Clair Obscur parce que c'est vachement bien avec de la bière. À l'instant, un jingle que m'avait enregistré John Lang, aussi connu comme Pen of Chaos, qui avait fait Le Donjon de Nullbug sur Internet. Une série absolument risible, dans le bon sens du terme, en tout cas une série humoristique, dans l'univers du jeu de rôle et du médiéval fantastique. Et donc, quand je l'avais interviewé il y a un peu plus de 2 ans, il m'avait enregistré ce jingle de Gurdil qui écoute Clair Obscur avec sa pinte de bière à la taverne. Voilà, on arrive vers la fin de cette émission. Exceptionnellement, on déborde un peu sur l'horaire, parce que c'est notre dernière émission et après tout, on va se faire plaisir en vous passant quelques derniers morceaux pour aller tout doucement vers la fin et les adieux. Et moi, j'ai envie de vous passer un groupe. Alors, on sort un petit peu de notre champ musical, chers amis, mais un groupe qui m'a toujours beaucoup touché avec leur album Grab That Gun en 2004, c'est The Organ, une bande de nanas qui faisait une pop assez inhabituelle, en tout cas qui sortait un peu des sentiers battus, et qui avait ce mélange d'énergie et de mélancolie qui me touchait beaucoup. Je vous propose d'en écouter un extrait supplémentaire, parce que je vous l'ai déjà ramené régulièrement, avec le titre « Synchronize the City ». Feel like Que j'aime ce mélange d'énergie et de mélancolie, ça me touche au fond des tripes, et c'est ce groupe qui malheureusement s'est séparé aujourd'hui, ces petites nanas de Vancouver en Canada, The Organ, qui interprétait ce morceau Synchronize the City. Alors là, je vous le disais comme tout à l'heure, on déborde un petit peu de notre créneau horaire. Je sais qu'on va nous emmerder, mais c'est pas grave, c'est notre dernière émission et on va vous passer deux groupes encore qui ont été assez importants pour nous. Tiens, je vais même vous en passer trois, notamment un groupe alors qu'on nous a reproché de pas passer plus régulièrement, mais en même temps, on avait l'impression de le passer à chaque émission puisque c'était le thème de notre générique. Il s'agit de Sopor Eternus. On a mis super longtemps à le passer, ce machin, parce qu'on le passait à chaque début de générique et chaque fois, on avait l'impression de le passer systématiquement. On l'entendait à chaque émission, ouais. Mais finalement, on a passé assez peu de morceaux. On nous l'a reproché, comme je disais, et donc ce soir, on va compenser cette carence avec le titre In an Hour Darkly. Pleasure that I harbor again. planète. Yes, I do confess, I have a secret wish. I often dream of dying to dissolve completely, to simply vanish, so that nothing, not a single grain, would ever remain of me. No spark, no energy, no further existence for me. But most of all, no rebirth. Alas, if I had this chance, this possibility, how free from worries could I be? If I only had this one guarantee, that there would be no more tomorrows lying in wait for me. Clair obscur, le meilleur des musiques sombres sur Rage. Thank you. Bonthrope, un morceau d'Ataraxia, c'était inspiré de l'œuvre de Virginia Woolf. C'est un mini CD qui était sorti en 1998 et c'est comme ça que j'ai découvert ce groupe qui a changé ma vie, Ataraxia. Et c'était enchaîné juste avant avec Sopor et Eternus, c'est le titre, In an Hour Darkly. Alors Ataraxia, c'est alors attends Nathalie, je t'allume ton micro. Vas-y, ouvre le micro et dis-le que tu es amoureux. Mais je compte bien. Alors oui, là, fais attention. Si dans 10 minutes j'ai pas fini, arrête-moi et achève-moi. Parce que Ataraxia, c'est le groupe dans lequel officie notamment mon grand amour impossible, Francesca Niccoli. Toutes les femmes de ma vie devront composer avec ma muse mystique, celle qui aura la première place dans mon cœur, parce que c'est vraiment une chanteuse qui m'a beaucoup impressionné. Je vous dis pas. Donc j'en menais pas large quand j'ai eu l'occasion de les interviewer il y a un peu plus de 2 ans. C'est un groupe. T'as coupé tous les D'ailleurs, cette interview sera bientôt disponible sur Internet. Et alors, c'est un groupe qui s'inscrit dans la mouvance Heavenly Medieval. C'est d'ailleurs avec eux et Dead Can Dance, le groupe de Lisa Gerrard, que j'ai découvert ce style musical-là. Et pour moi, ils sont aussi importants que Dead Can Dance, qui est un groupe autrement plus connu. Francesca Niccoli, c'est vraiment une personnalité particulière. Elle est très discrète dans la vie, mais sur scène, elle prend toute la place alors qu'elle est toute petite. Mais elle a toujours des robes magnifiques. Enfin, il y a le jeu de scène qui tient à ce style musical-là. Et donc, entre les textes qu'elle écrit, sa voix qui est absolument impressionnante, tantôt sans prane, tantôt assez grave, et les styles musicaux très différents qu'ils abordent, tantôt heavenly médiéval, tantôt romantique, tantôt renaissance et baroque. C'est un groupe qui m'a vraiment beaucoup influencé, auquel je reviens régulièrement, et donc c'est, je répète, Francesca Niccoli est mon grand amour impossible, ceci jusqu'à la fin des temps, au moins jusqu'à la fin de ma et vie. Au-delà. Tiens. Moins de 10 minutes, ça va, Thierry. Et au-delà, allez, on va continuer alors avec un autre style musical qui me tient à cœur, hein, puisque c'est la dernière fois ce soir que nous nous croisons sur les ondes, mes petits corbeaux. Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir dans une soirée goth, à un concert, ou en ce qui me concerne, à un bal tango ou un stage de flamenco, parce que ce sont deux styles musicaux dont je ne vous ai jamais caché qu'ils étaient importants pour moi. Et tu as même pu les mélanger, c'est ça voilà, qui est énorme. Et donc j'ai eu l'occasion, notamment à propos du tango, de vous faire des petites rétrospectives dans Clair Obscur, avec ce mélange de métal, de rock et de tango que sont capables de faire certains groupes qui sont assez méconnus, qui m'ont valu quelques compliments sur internet, qui m'ont fait plaisir d'ailleurs. Et moi ce soir j'ai envie de plus particulièrement vous parler de flamenco avec le projet Electro Flamenco de Phil Von du groupe Von Magnet, un homme qu'il a encore on avait rencontré Nathalie et moi et dont on garde un très bon souvenir parce que autant dans la vie il est doux et gentil, autant sur scène c'est un danseur de flamenco absolument supersonique, comme sur ce morceau que je vous prie d'écouter, Ma Peine, de l'album de L'Aimant. Bonjour, moi j'aime bien tout ce qui est un peu gothique. Bon, ce sont des choses qui me parlent. C'est pour ça que j'écoute Clair Obscur sur Rage. Et oui, on remerciera jamais l'ami JC qui nous avait enregistré ce jingle absolument phénoménal, donc du paysan languedocien qui aime bien Clair Obscur parce que c'est le gothique, que c'est bien. Allez, c'était à l'instant un extrait de Von Magnet et ce mélange d'électro et de flamenco absolument splendide. Merci Nathalie, tu fais très bien la cigale. Je fais bien la cigale. Hein. Tu me dis de faire moins fort. Je le fais moins fort. Alors, on va pas faire le tour de tous les gens qu'on a remerciés parce que ça prendrait trop de temps, j'en suis désolé. Je tiens quand même à citer quelques noms. Mork, qui nous a écouté régulièrement. L'ami Jean de Marseille, qui nous a soutenus dans la mesure de ses moyens, mais ça nous a fait plaisir. Notre amie Susanna, qui est sans doute notre auditrice la plus lointaine, puisqu'elle nous écoute du côté du Mexique, du côté de Jalisco. Et enfin, mon petit frère Arnaud, qui nous a enregistré tous les jingles, qui nous a fait le doublage des interviews. Merci à tous d'avoir chacun soutenu ou apprécié Clair Obscur dans la mesure de vos moyens. Assez de toute manière pour nous touché. Alors, chers amis, vous vous demandez sans doute pourquoi on arrête Clair Obscur après tant d'années et tant de missions qui ont fait votre bonheur, en tout cas on l'espère. Mes petits corbeaux, ceci est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a des raisons personnelles. Vous vous doutez bien que préparer notre petite heure d'émission hebdomadaire demande quand même un investissement en amont assez considérable. Et il n'est pas évident qu'à l'avenir on puisse assurer comme on l'a fait jusqu'à présent. Et pour ne pas prendre le risque de vous faire une émission au rabais, il vaut mieux savoir s'arrêter et tirer notre révérence avant de faire l'émission de trop. Par ailleurs, il y a aussi le paysage radiophonique qui change, la technologie évolue, et beaucoup d'entre vous nous écoutent sur Internet ou sur téléphone mobile 3G par exemple. La diffusion numérique va encore apporter des bouleversements sous peu qui seront aussi importants que la TNT pour la télé par exemple. Donc la radio évolue, c'est un fait. Mais notre station Rage change les gels aussi, ce qui n'a pas été sans nous causer au minimum quelques interrogations. Pour ma part, je suis devenu animateur à partir de 2006 après avoir été un auditeur assidu de cette radio qui n'avait alors pas d'équivalent sur les ondes. Je rappelle que RAGE signifiait au départ, c'était un acronyme, Radio Associative des Jeunes et des Étudiants. Ce qu'elle n'est plus, mais c'est pas grave. Et que c'est une station bicéphale depuis au moins 2007 qui est organisée autour de deux pôles que sont Nîmes et Avignon. Un fonctionnement original et c'est aussi une radio associative où la plupart des gens sont bénévoles. Et c'est donc au titre d'adhérent moi-même que j'ai intégré cette équipe. Puis Nathalie m'a rejoint pour monter Clair Obscur et pendant 4 ans, nous n'avons, je crois, pas démérité. Et on a atteint, et comment, l'objectif de cette émission qui aura été de faire découvrir le son du rock gothique et des styles qui s'en rapprochent à un public qui n'a, a priori, pas d'affinité pour ces styles musicaux. On y est arrivé, ça me fait plaisir. C'est d'ailleurs tout à l'honneur de Rage d'avoir permis cette initiative, puisque les radios sur lesquelles j'aurais pu diffuser les délires néo-folk de Death in June ou les élucubrations de black métalleux plus ou moins démoniaques, vous vous doutez bien que ces radios ne sont pas nombreuses, bien entendu. Mais un malaise de plus en plus prégnant s'est installé au sein de Rage avec le temps, ce qui s'est traduit par une hémorragie des adhérents et une baisse du nombre des programmes. Si vous êtes auditeur depuis plusieurs années, vous avez sans doute constaté que la grille des programmes a littéralement fondu. À titre personnel, ce qui m'a plus particulièrement affecté est la disparition des émissions matinales d'une part et des magazines de début de soirée d'autre part. Je rappelle qu'il y a eu pendant de nombreuses années des émissions rédactionnelles passionnantes, en plus des émissions musicales sur cette antenne. Que ce soit pour la culture, que ce soit pour le sport, le paranormal, le cinéma, enfin, je cite pas tous ces magazines qui étaient animés par des amateurs, avaient fait parler d'eux. Et malheureusement, depuis quelques années, le choix de la direction des programmes a été de favoriser des chroniques courtes sur des termes divers et variés, diffusés au cours de la journée, au détriment de programmes plus conséquents. Alors pourquoi pas ? Mais ce qui m'ennuie, moi, c'est qu'en 3 minutes, on ne peut pas aborder un sujet en profondeur. Et pour écouter une chronique qui m'intéresse en particulier, il faudrait que j'ai la chance d'être à l'écoute au bon moment. C'est tout simplement pas possible. Alors si bien que je vais écouter les chroniques qui m'intéressent sur le site de Rage, comme je le ferai pour une web radio finalement. Enfin, la plupart de ces chroniques sont rédigées par des salariés de Rage, dont c'est le métier. Et finalement, bien peu sont faites par des amateurs. Alors je peux l'admettre maintenant, ça n'a plus vraiment d'importance. Mais j'ai renoncé à écouter Rage en journée depuis un peu plus de 2 ans. Et pas de gaieté de cœur. J'ai renoncé car j'en pouvais plus. Ni la musique ni le rythme des programmes courts ne me convenaient plus. J'ai continué à écouter les émissions de nos collègues nîmois en soirée. J'écoute même Rage la nuit quand je suis insomniaque. Mais en journée, non, je n'y arrive plus. Cet état de choses a néanmoins une conséquence inattendue et plutôt rigolote d'ailleurs. C'est que pas mal d'auditeurs nous ont demandé s'il s'agissait de 2 radios différentes qui se partageaient la même fréquence. Et plusieurs fois, on a dû vous expliquer, mes petits corbeaux, que vous dire gentiment que non, c'était bien la même station, mais simplement le ton d'antenne était différent en journée et en soirée. Ainsi, je trouvais cette organisation de la radio pour le moins schizophrène. Mais je lui reconnaissais au moins 2 avantages. Tout d'abord, la pression publicitaire était reportée sur les programmes de journée, dont l'audience potentielle est plus considérable que nous, notre petite émission en soirée. Puisque les chroniques dont je vous parlais étaient diffusées avec une pub avant, une pub après. Du coup, on n'a plus jamais eu l'idée saugrenue de nous imposer de la pub à rage dans Clair Obscur, et je reconnais que ça m'a soulagé. Ça avait été envisagé une période, ça a été abandonné, tant mieux. En outre, dans la mesure où on captait moins l'attention, nous étions d'autant plus libres, et c'est vrai. On a toujours disposé d'une grande liberté de programmation à rage. En 4 ans, j'ai eu 2 morceaux censurés. Et encore, ai-je pu vous les mettre sur le forum de la radio où vous avez pu les écouter. Cet aspect appréciable doit néanmoins être nuancé par quelques petits ennuis qu'on a eus au sein de rage. Or, rien de très grave. Le coup des casques, par exemple, comme dans l'émission de ce soir. Je vous rappelle donc qu'on vous a fait une émission avec les micros, mais sans casque sur les oreilles. Je vous cache pas que c'est pas pratique. C'est pas très grave, mais parfois c'est un peu fâcheux et démobilisateur. Des petites choses comme des remarques déplacées, des petits mails sournois comme celui que j'aurai dans ma boîte mail demain matin pour sûr. Des petites mesquineries. Je reviens pas sur la méthode, chers amis, vous la connaissez. Vous aussi, à votre boulot, vous avez un petit chef qui s'amuse à pourrir l'ambiance. Nous, on a le même rage. Le truc, c'est que nous ne sommes pas des employés avec des supérieurs, on est des bénévoles. Tout ce qu'on fait à rage, on le fait gratuitement et on paye une cotisation. Alors dans ces conditions, quand on fait l'objet des réprimandes injustifiées du forcené de service, ça nous fait rire, puis ça nous agace, et puis ça finit par devenir vraiment déplacé. Et nous n'avons pas été les seuls à devoir supporter cela, qui, je le répète, n'est dû qu'à une ou deux têtes de brêle parmi une équipe de gens réglo. Les auditeurs qui nous écoutaient déjà en 2010, pour vous donner un seul exemple, se souviennent peut-être qu'en octobre 2010, il y a eu une interruption de programme d'une dizaine de jours, car certains de nos collègues de Nîmes avaient pris l'antenne pour faire une émission pirate et ainsi protester contre ce qu'ils considéraient être la dérive de la radio. Devant ce triste spectacle, mon sentiment personnel est celui d'une déchéance. Mettez-vous à ma place. Quand je suis arrivé à Rage, il y avait 30-40 personnes aux assemblées générales. Aux dernières, Nathalie et moi-même étions parmi 4 ou 5 adhérents. Par conséquent, j'ai démissionné d'une certaine manière. J'ai simplement fermé les yeux en cessant de considérer Rage comme un projet alternatif et innovant, mais simplement un outil qui me permettait, en échange de ma cotisation, de réaliser ce qui me tenait à cœur finalement, à savoir Clair Obscur. Et un hasard un peu malicieux m'a donné raison récemment, puisque Rage Avignon a changé de locaux et a déménagé dans un quartier de bureaux éloigné du centre-ville, et qui finalement est une entreprise parmi d'autres en somme. Donc la station a fait une croix sur ce potentiel humain de sa structure associative, il me semble. Et elle doit compenser en quantité ce qu'elle a perdu en qualité, d'où une volonté d'expansion. D'ailleurs, cette volonté de s'étendre, à mon sens, au-delà du raisonnable, est déjà ancienne à Rage. Ça nous avait fait rigoler, d'ailleurs, il y a quelques années, quand Rage s'était pris des râteaux auprès du CSA en briguant des fréquences analogiques à Lyon ou à Grenoble. Franchement, qu'est-ce qu'une radio basée à Avignon et à Nîmes irait foutre à Lyon et à Grenoble ? Enfin, ce que je trouvais plus regrettable, par contre, c'est vrai, c'est que Rage n'a jamais obtenu de fréquences analogiques à Marseille, où, à mon avis, en tant que radio régionale, elle avait vocation à s'implanter. Mais bon, je suis pas dans le secret des dieux. Et aujourd'hui, en commençant par Marseille, justement, l'ouverture des fréquences numériques permet des opportunités. Et pour saisir ces opportunités, Rage s'est rapproché du groupe SOS. Alors au début, ça m'a fait rire. SOS, au secours, situation désespérée, est-ce qu'on est vraiment dans la merde à ce point-là, à Rage, pour crier SOS ? Ça m'a fait rire, et puis finalement, c'est quoi ce groupe SOS ? Alors, il s'agit d'une entité un peu nébuleuse, agglomérant des structures, pour la plupart associatives, mais toutes disparates, qui prétend faire de l'économie sociale, alors là aussi c'est un concept un peu fumeux, et dont le dirigeant est parfois appelé le Bernard Tapie du secteur associatif, car il a pour credo d'appliquer les méthodes du privé à ce secteur. Il y aurait beaucoup à dire sur ce groupe SOS, mais c'est pas le propos ce soir. Sachez simplement que le rapprochement avec Rage correspond à une volonté du groupe de prendre pied dans les médias, et pour ce faire, le siège social de Rage a déménagé à Paris. Tout à fait logique pour une radio régionale. Et donc, à partir de Paris, essayer de fonder des antennes à droite, à gauche, à Nantes, à Toulouse, à Nice, que sais-je, avec le soutien du groupe SOS. Alors tout cela peut paraître complexe, mais je peux vous donner un exemple très simple. Avec l'aide du groupe SOS, donc, Rage va s'investir dans l'action contre le mal logement des personnes âgées à Strasbourg. Étant entendu que personne à Rage ne se soucie de la condition du troisième âge, et c'est pas par méchanceté, c'est simplement que c'est pas l'objet de la station de se préoccuper de ce problème en particulier. Mais cette action permettra à Rage de briguer une fréquence numérique sur l'agglomération de Strasbourg. CQFD, tout simplement. Alors cela peut paraître cynique, mais la morale n'a rien à voir là-dedans, c'est un plan business. Seulement la question qui se pose pour moi, adhérent, bénévole, c'est quelle est ma place dans un plan business ? Vous doutez bien, chers amis, au regard de tout ce dont je viens de vous parler en quelques minutes, que j'ai de plus en plus l'impression, à tort ou à raison, de servir de caution associative à un projet qui n'a plus vocation à l'être, mais qui maintient les apparences, pour des raisons fiscales notamment, et pour le plus grand profit sans doute aussi de l'entreprise qui s'occupe de la communication de Rage. Voilà. Il est donc temps de partir. Mais je ne veux pas terminer sur une note triste ni amère. Cette expérience radio, j'aurais pu la faire ailleurs. Finalement, je l'ai faite à Rage et c'est pas plus mal. Car j'ai eu des échanges avec certains auditeurs qui m'ont beaucoup touché. Et à Rage, j'ai malgré tout passé des moments heureux et j'ai rencontré des amis formidables. Voilà. Pour nous quitter, chers amis, on va faire comme on l'a fait depuis 4 ans, à la fin de chaque émission. On va se quitter avec un morceau qui n'a rien à voir avec nos styles musicaux, mais qui reste un peu dans le même spectre d'émotions. Et j'avais terminé chaque émission, ouais, je fais un lapsus révélateur, avec en début d'année avec un morceau de Barbara, une dame qu'on appelait aussi la longue dame brune, la première gothique, enfin peu importe. Cette dame avait beaucoup de charme, il y avait des chansons très émouvantes et c'est avec ça que j'ai envie de vous quitter ce soir. C'est parce que je t'aime, c'est le nom de la chanson, et c'est justement parce qu'on vous aime, chers amis, qu'on préfère vous tirer notre révérence. Bisous. Bonne nuit. Adieu. Faites de beaux rêves, avec nous ou sans nous. C'est parce que ton épaule à mon épaule, ta bouche à mes cheveux et ta main sur mon cou. C'est parce que dans mes reins, quand ton souffle me frôle, c'est parce que t'aimes. C'est parce que joue à joue. C'est parce qu'au matin, c'est parce qu'à la nuit, quand tu dis viens, je viens, tu souris, je souris. C'est parce qu'ici ou là, dans un autre pays, pourvu que tu y sois, c'est toujours mon pays. C'est parce que je t'aime que je préfère m'en aller, car il faut savoir se quitter avant qu'elle meure le temps d'aimer. C'est parce que j'ai peur de voir s'endeuiller les minutes, les heures, les secondes passées. C'est parce que je sais qu'il faut un presque rien pour défaire une nuit et se perdre au matin. Je ne laisserai pas pencher sur notre lit ni l'ombre d'un regret, ni l'ombre de l'ennui. Je ne laisserai pas mourir au fil des jours ce qui fut toi et moi, ce qui fut notre amour. Il ne sera jamais emporté par le temps. Je l'emporte moi-même, il restera vivant. Laisse-moi, oui je t'aime, mais je préfère m'en aller, car il faut savoir ce qui t'est. Avant que ne meure le temps d'aimer, j'en ai vu comme nous qui allaient à pas lents et portaient leur amour comme on porte un enfant. J'en ai vu comme nous qui allaient à pas lents et tombaient à genoux dans le soir finissant. Je les ai retrouvés, furieux et combattants. Comme de nous blesser, que sont-ils maintenant? Ça, je ne veux pas. Je t'aime. Je ne veux pas nous déchirer. C'est mieux, crois-moi, de nous quitter avant que ne meure le temps d'aimer. C'est mieux, mieux. Avant que ne meure le temps d'aimer. plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup, il s'envole. Une histoire en clair-obscur où les traîtres ne sont pas toujours ceux que l'on imagine. Rage. L'esprit libre.